La radiodiffusion française présente Madame Simone. Moni Delmès et Germaine Rouer, sociétaire de la Comédie française. Michel Bouquet, Marcel André et Yolande Lafont. Dans La vie que je t'ai donnée, tragédie de Luigi Pirandello. Et Un imbécile, comédie de Luigi Pirandello. Version française de Benjamin Crémieux. L'émission est réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. Veuillez écouter d'abord Jacques Le Marchand, qui va vous parler de ces deux œuvres et de leur auteur. C'est aux environs de 1924 que les Pitoyev d'une part, Charles Dullin d'autre part, firent faire aux Français la découverte de Pirandello. Et c'est presque aussitôt que naquit le pirandellisme. Une similitude non de thème, mais d'accent, entre les six personnages en quête d'auteur et chacun sa vérité, suffit pour donner naissance à ce pirandellisme dont les journaux parlèrent beaucoup, parce que le mot est joli et commode, mais dont personne ne donna jamais de définition exacte. Pirandello lui-même se montrait irrité. Il éleva une protestation pleine d'humour contre le pirandellisme. Mais qu'est-ce que le pirandellisme, demandait-il. Jusqu'à présent, le public parisien ne connaît qu'une petite partie de mon œuvre, la partie la plus difficile. Elle a parcouru bien des pays d'Europe et d'Amérique, et maintenant qu'elle arrive à Paris, elle trouve les critiques et le public prévenus par toutes ces conceptions abstraites et extravagantes sur la réalité et la fiction, sur la valeur de la personnalité et le relativisme, qui ne sont que les déformations cristallisées de deux ou trois de mes pièces arrivées à Paris au moment où mon nom prenait son vol. Ce nom qui, pour comble de malheur, n'est même plus mon nom, mais est devenu le radical du mot pirandellisme. Me permettra-t-on, ajoutait-il, d'affirmer qu'aucune de mes œuvres, qui tous sont nées en dehors d'une thèse ou d'un principe, qu'aucune de mes pièces n'est entachée de pirandellisme. On ne saurait être plus net dans le refus de paternité. Cependant, le pirandellisme est la vie dure. C'était un mot que l'on entendait prononcer dans les salons et qui expliquait tout. Il est vrai qu'au même moment, les plus jolies femmes de Paris s'entretenaient volontiers d'Einstein et des théories de relativité. Leurs filles parlent maintenant avec le même plaisir, le même sérieux, de l'existentialisme. Ces petits ridicules n'empêchent naturellement pas d'avancer ni la science, ni la philosophie, ni l'art. Et si le pirandellisme est aujourd'hui bien passé de mode, l'œuvre de Pirandello n'a cessé de conquérir un public toujours plus large et qui découvre dans l'œuvre du dramaturge sicilien bien autre chose que la démonstration d'une doctrine, l'une des plus grandes œuvres dramatiques des 50 dernières années. C'est que l'œuvre de Pirandello est matériellement considérable. Elle va du monologue à la pièce en 5 actes et brasse tout un monde de personnages et d'idées dont celles que l'on groupait sous le nom de pirandellisme ne sont qu'une faible partie. Et c'est surtout aussi parce que Pirandello est beaucoup plus qu'un philosophe, un auteur dramatique né, et qui a beaucoup plus réfléchi sur les règles de son art que sur la valeur absolue de la personnalité ou le dédoublement de la conscience. Je crains que cette réputation de penseur subtil, de philosophe ésotérique, que le monde et les journalistes lui ont fait à ses débuts en France, n'ait écarté de lui et de son œuvre toute une part du public. L'honnête homme se disait, plus modeste que ne l'est le snob, « Si c'est tellement difficile que cela, je ne comprendrai sûrement pas, il est inutile d'y aller voir. » Mais rien ne peut plus efficacement ruiner cette légende que des entreprises comme celle de la Comédie française, qui a repris, l'année dernière encore, l'admirable Chacun sa vérité. Ou comme l'entreprise que poursuit en ce moment même André Barsac, à l'atelier, où il a mis en scène cet Henri IV extravagant et délicieux, l'une des pièces les plus curieuses, les plus attachantes que l'on puisse voir en ce moment. Les deux œuvres de Pirandello que vous allez entendre aujourd'hui sont bien représentatives de deux des manières de Pirandello. La vie que je t'ai donnée est une pièce en trois actes, bref, tragique, et où, en effet, les amateurs de pirandellisme peuvent se trouver un peu à leur affaire. Les autres aussi, Dieu merci. Je ne veux pas déflorer le plaisir que vous prendrez à l'entendre en vous en racontant le sujet. Mais je veux attirer votre attention dès maintenant sur la technique, sur le métier dramatique extraordinaire dont elle témoigne. Je crois qu'en vous racontant la pièce, je serai moins clair que ne l'est l'œuvre elle-même. Chaque réplique, chaque mot éclaire un personnage, fait avancer une situation. Nous avançons pas à pas dans ce qui peut nous sembler un labyrinthe, mais guidés par une main si sûre que sans hésitation, sans vain détour, nous arrivons au but. Et vous écouterez les extraordinaires plaintes de Donna Anna sur son fils mort. Sur ce thème de la maternité douloureuse, La littérature dramatique nous a rarement donné un texte à la fois si pathétique et si plein d'intelligence. Quant à un imbécile qui ne comprend qu'un acte, c'est la peinture caricaturale sans doute, mais pleine de vérité, d'un caractère de lâche, de politicien lâche. Un homme qui va se tuer, le contraint à avouer par écrit qu'il est un lâche et un imbécile. Cet acte est construit avec une ingéniosité extrême, et si dense dans sa brièveté, qu'il a en chacun de nous des résonances lentes à s'effacer. Le comique cruel, qui est bien dans la manière de Pirandello, est là presque à l'état pur. Et ces deux œuvres, par leur rapprochement, doivent donner une idée très juste de ce qui caractérise en partie l'art à mille facettes de Pirandello. Une lucidité si vive qu'elle lui permet de circuler sans trouble, sans confusion, au milieu des fantômes et des créations que lui dicte une imagination non moins vive. Dans une villa solitaire de la campagne toscane, une pièce presque nue, froide, en pierre grise, un banc, une armoire, un bureau de travail, quelques autres meubles anciens d'où se dégage le sentiment d'une paix exilée du monde. La lumière qui entre par une haute fenêtre semble elle-même la lueur d'une très lointaine existence. Quelques femmes du village sont là, les unes à genoux et touchant presque la terre du front, les autres debout, courbées dans une attitude de prière, les mains jointes devant la bouche. Santa Maria, ora pro nobis. Santa Virgo Virginum, ora pro nobis. Mater Christi, ora pro nobis. Mater Divinae Gratiae, ora pro nobis. Mater Purissima, ora pro nobis. Les femmes qui sont debout ont fait signe à leurs compagnes d'interrompre les litanies. Elles restent un moment en suspens dans l'angoisse et la stupeur. Puis elles s'agenouillent à leur tour. Saint Seigneur, venez à son aide. Ange de Dieu, venez accueillir cette âme que Jésus-Christ qui a rappelé à lui la reçoit. Que les esprits bienheureux la conduisent du sein d'Abraham au Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus, ayez pitié de nous. Donnez-lui le repos éternel. Et faites ascendre sur lui votre lumière éternelle. Réveillez-la à la famille. Agenouillées, chacune récitant à voix basse une prière particulière, puis elles se relèvent avec un signe de croix. De la chambre mortuaire sortent, pleins de pitié et de stupeur, Donna Fiorina Segni et le curé Don Giorgio Mei. Donna Fiorina, modeste propriétaire de campagne, quinquagénaire, porte avec gaucherie sur son corps déjà déformé par l'âge des vêtements à la mode. Ce sont ses enfants transplantés en ville qui souhaitent la voir ainsi habillée. On sait quelles exigences peuvent avoir les enfants quand ils ont pris le dessus sur les parents. Don Giorgio est un curé de campagne gras et indolent, qui s'exprime difficilement. Il n'en a pas moins toujours quelque chose à ajouter à ce que disent ses partenaires ou à ce qu'il dit lui-même. Il lui arrive de ne pas savoir au juste quoi. Pourtant, si on lui laisse le loisir de parler posément, il dit des choses pleines de sens et bien tournées. Car il est ami des bonnes lettres et par-dessus le marché n'est point sot. Retirez-vous, mes enfants, et récitez encore une prière pour cette âme que le Seigneur a rappelée à lui. Les femmes s'inclinent devant lui, puis devant Donna Fiorina, et sortent. Don Giorgio et Donna Fiorina restent un long moment silencieux. L'une songeant au deuil de sa sœur, l'autre balançant entre une désapprobation qu'il voudrait exprimer et une consolation qu'il ne sait pas formuler. Donna Fiorina, incapable de soutenir plus longtemps l'image de la douleur de sa sœur, plonge son visage dans ses mains et se laisse tomber sur le banc. Don Giorgio s'approche d'elle lentement. La regarde un instant sans parler en hochant la tête. Puis il élève les mains vers le ciel, comme pour s'en remettre à Dieu. Elle va finir par perdre tout à fait la raison. Vous avez vu ses yeux et sa voix quand elle nous a imposé de la laisser seule. Vous vous trompez. La raison chez elle est tout à fait solide. Je crains autre chose, ma chère dame. Je crains malheureusement que le réconfort divin lui fasse défaut et... Que peut-elle bien faire toute seule dans cette chambre? Mais elle n'est pas seule. Elle a gardé Elisabeth auprès d'elle. Ne craignez rien, Elisabeth est pleine de sagesse et... Ah, si vous l'aviez entendu parler cette nuit. Elisabeth, que fait-elle? Rien. Elle le regarde. Elle pleure? Non. Elle le regarde. Si seulement elle pouvait pleurer. Mon Dieu, faites qu'elle pleure. Elle dit qu'il est toujours là-bas. Qui? Lui? Oui. Elle dit qu'il est là-bas? Où? Elle parle toute seule en marchant, à voix basse. À ne pouvoir rien faire pour elle. Elle a l'air si sûre de ce qu'elle dit qu'elle fait peur. Mais que dit-elle? Que dit-elle d'autre? Elle dit, il est parti, il reviendra. Il reviendra? Elle dit, il reviendra. Comme si elle en était sûre. Il est bien parti, mais pour ce qui est de revenir... Elle a lu ça dans mes yeux. Alors elle a répété avec plus de force encore en me regardant fixement. Il reviendra, il reviendra. Elle dit que celui qui est étendu sous ses yeux n'est pas son fils. Que ce n'est pas lui. Que ce n'est pas lui. Elle le disait déjà la nuit passée. Et elle veut qu'on l'enlève tout de suite. Pour le porter à l'église? Elle veut qu'on l'enlève. Et elle ne veut pas qu'on l'habille. Oh! Je lui ai dit qu'il fallait l'habiller. Naturellement, avant qu'il se raidisse. Elle a fait un geste d'horreur. Elle veut que je prépare l'eau pour sa dernière toilette, puis l'envelopper dans un drap et qu'il disparaisse. C'est tout. Je vais donner les ordres. Et j'en reviens. Je vous dis qu'elle va devenir folle. Folle! Habiller quelqu'un qui s'est dépouillé lui-même de tout. C'est peut-être pour cette raison. C'est bien possible. Je m'épouvante surtout de la voir dans cet état. Elle ne veut pas faire comme tout le monde. Ne croyez pas cela. Ce n'est pas un parti pris chez elle. Je le crois, je veux bien le croire. Mais il me vient un doute, une crainte. À ne pas agir comme tout le monde, à s'écarter des usages, on risque de se tromper et de ne plus trouver personne pour partager la douleur. Elle veut son fils nu dans la mort. Croyez-vous que beaucoup de mères comprendront ce sentiment? Moi, je ne peux pas le comprendre. Ah, ah, ah, vous voyez, de là à la mal juger, à la condamner... Elle a toujours été ainsi. Oui. Quand on lui parle, il semble qu'elle vous écoute et tout à coup, elle se met à dire des choses qui paraissent venir de loin, d'on ne sait d'où. Des choses que personne n'aurait pu prévoir. Des choses... Comment dire? Des choses vraies. Quand elle les dit, on croit les toucher. Mais... Un moment après, quand on y repense, elle vous bouleverse parce qu'elle ne serait venue à l'idée de personne. Oui, oui, oui. On en a presque peur. Je redoute de l'entendre, je vous jure. J'ai peur de ce qu'elle pourrait dire. Je n'ose même plus la regarder. Oh, ses yeux. C'est une pauvre mère. Voir disparaître ainsi son enfant en deux jours. Un fils unique entré au Bercag depuis si peu de temps. Giovanni, le vieux jardinier, paraît sur le seuil de la villa, avance vers la porte de la chambre mortuaire, contemple un instant le cadavre avec une stupeur douloureuse. Puis il s'agenouille, le front touchant presque terre. Elle avait attendu son retour tant d'années, plus de 7 ans. Il était tout jeune quand il la quitta. Je me rappelle, il allait poursuivre à Liège, ses études d'ingénieur. C'est là qu'un peu plus tard, il a retrouvé cette femme. Ah, je sais, je suis au courant. J'ai même quelque chose à lui dire à ce sujet. C'est pourquoi je suis resté. Je l'attends. Le vieux jardinier se relève avec un signe de croix. Donna Fiorina attend qu'il soit sorti. Il vous a laissé, en se confessant, quelques commissions? Oui. Pour cette femme? Oui. Si seulement il l'avait épousée quand il l'a connue. Il l'a connue quand il était étudiant à Florence. C'est une Française, n'est-ce pas? Elle est devenue Française par son mariage. Ah. Mais elle est italienne de naissance. Ah. Elle était, elle aussi, étudiante à Florence. C'est plus tard qu'elle a épousé un Français. Un monsieur Maubel, qui l'emmena d'abord à Liège, précisément. Puis à Nice. Et il l'a suivie à Liège. Quel martyr pour ma pauvre sœur. Pendant 7 ans, il n'est pas revenu, pas une fois, fût-ce pour un jour. Et puis le voilà qui revient pour mourir en quelques heures. Mais il n'avait pas rompu avec cette femme. Il correspondait toujours avec elle. Vous le savez sans doute, il a dû vous le confesser. Il a peut-être pris quelques dispositions pour les enfants. Non? Quels enfants? Vous ne savez non pas qu'elle a 2 fils? Ah, ses enfants à elle? Oui, oui, il me l'a dit. Il m'a même dit que ses enfants avaient été le salut de leur mère et le sien propre. Il a dit le salut? Oui. Mais alors ses enfants ne sont pas de lui? Oh, mais non! Certes, on ne peut dire d'un amour adultère qu'il est pur, même quand il ne déborde pas du cœur et de l'esprit. Mais il est certain que... Ou du moins, c'est ce qu'il m'a dit. S'il vous l'a dit sur son lit de mort, Dieu me pardonne. Sa mère m'avait souvent affirmé l'innocence de cet amour. Je n'avais pas pu y croire. Leur passion était si forte que j'étais portée à me figurer que les 2 enfants... Non. Oh mon Dieu, vous l'entendez? Elle parle. Elle lui parle. Laissez donc, elle délire, c'est la douleur. Pas du tout. Nous voyons les choses à notre façon. Mais qui sait le sens que le malheur a pris pour elle? Vous devriez l'obliger à abandonner quelque temps cette solitude. Non, c'est impossible. Je n'essaierai même pas. Menez-la au moins dans votre villa, c'est à côté. Ce serait avec joie. Mais elle n'est pas sortie d'ici depuis plus de 20 ans. Toujours à penser. Peu à peu, elle s'est rendue étrangère à tous. Accueillir les pensées qui naissent de la solitude, rien de plus mauvais. Elle souffle dans l'âme des vapeurs de marécage. La solitude, elle est en elle maintenant. Il suffit de regarder ses yeux pour comprendre que rien de la vie ne peut lui venir du dehors, pas même une distraction. Elle s'est enfermée dans cette ville-là, où le silence, quand on traverse là-haut les grandes pièces désertes, fait peur. Oui, peur. On a l'impression, comment dire, que le temps y tombe comme dans un gouffre. Le bruit des feuilles quand le vent souffle. L'angoisse me prend, rien que de penser à elle, seule, ici. J'ai l'impression que ce grand vent emporte son âme. Quand son fils vivait là-bas, je savais où il l'emportait, mais... À présent, Dieu la voilà. Donna Naluna, toute blanche et comme hallucinée, a dans les yeux une clarté, sur les lèvres une voix tellement à elle qu'elle s'en trouve comme religieusement seule parmi les choses et les gens qui l'entourent, seule et neuve. Et cette solitude, cette nouveauté ont d'autant plus de quoi troubler. Elle parle dans un délire lucide, pareil à la flamme tremblante du feu intérieur qui la dévore et se consume ainsi. Elle attend un moment sur le seuil, puis à la vue d'Elisabeth qui revient avec 2 servantes qui portent une cuve d'eau chaude et parfumée. Allons vite, Elisabeth. Faites ce que je vous ai dit, mais vite. Il a fallu que je donne d'autres ordres. Oui. Il faut encore attendre que le médecin soit venu faire la constatation et laisser le temps. Oui. Allez. Oh, regardez donc là par terre. Un chapelet. C'est une de ces femmes qui a dû le laisser tomber. N'est-ce pas exactement comme je vous ai dit, Elisabeth? Oui, madame. N'ayez crainte. Un chapelet. Priez, mettre sa douleur à genoux. Tenez donc, Giorgio. Prenez ce chapelet. Pour moi, c'est plus difficile. Debout, souffrir, debout, minute par minute. Bientôt, au moment où le souffle vous manque, on s'abandonne, on supplie. Ah, mon Dieu, je n'en peux plus. Faites plier mes genoux. Mais il refuse. Il nous veut debout, vivante, minute par minute, sur cette terre, sans jamais de repos. La vraie vie est dans l'au-delà, ma pauvre amie. Dieu ne peut pas mourir dans chacune de ces créatures qui meurent, je le sais. Mais vous ne pouvez-vous me dire que mon enfant est mort? Vous me dites que Dieu l'a rappelé à lui. Mais certainement. Mais moi, je suis encore sur cette terre. Eh oui, ma pauvre amie. Ma pauvre Anna. Ne sentez-vous pas que Dieu n'est pas ailleurs tant qu'il veut durer en moi, en nous, sur cette terre, et qu'il ne veut pas durer pour nous seuls, mais aussi pour que tous ceux qui nous ont quittés continuent à vivre ici-bas. À vivre dans votre souvenir, oui. Je ne peux plus parler ni entendre parler. Mais pourquoi, Anna? Les mots tels que je les entends prononcer par les autres. Mais j'ai dit souvenir. Vous dites souvenir, mais pour moi c'est comme si vous disiez mourir. Je n'ai jamais vécu d'autre chose, moi, que de cela. Je n'ai pas d'autre vie. C'est la seule que je puisse toucher, sentir présente avec précision. Vous dites souvenir. Mais vous m'éloignez de tout, vous me privez de tout. Et qu'aurais-je dû dire? Que Dieu veut que mon fils continue à vivre. Exactement. Non plus certainement de la vie qu'il lui avait donnée ici-bas, mais de celle que je lui ai donnée. Moi, oui, toujours. Cette vie-là ne peut s'achever tant que la vie dure en moi. N'est-il pas vrai que celui qui par ses œuvres s'en est rendu digne peut vivre sur terre éternellement? Mon fils ne sera pas éternel, lui, mais il reste ici-bas, avec moi. Tant que je vis, mon fils doit vivre. Il doit vivre sur terre ainsi que toutes les choses de la vie, de toute ma vie qui lui appartient, et que personne ne peut lui enlever. Dieu. Dieu? Non, Don Giorgio, Dieu n'enlève pas la vie. Je parle de la vie terrestre. Ah, vraiment? Il vous suffit de savoir qu'il y a dans la chambre à côté un corps. Un pauvre corps qui ne vous voit plus, ne vous entend plus, n'est-ce pas? Et alors tout est fini. Il n'y a plus qu'à le revêtir d'un des costumes qu'il a rapporté de France, même si ce vêtement est impuissant à le préserver du froid qui est en lui, qui ne lui vient plus du dehors. C'est la coutume, chère madame. Oui, récitez les prières, allumez les cierges, faites, oui, oui, mais dépêchez-vous. Car je veux que sa chambre redevienne telle qu'elle était, qu'elle demeure vivante, vivante de la vie que je lui donne, en attendant qu'il revienne, en laissant tout comme le jour de son départ. Mais vous ne savez donc pas que mon fils, celui qui est parti, n'est pas revenu? Ne clignez donc pas de l'œil du côté de Fiorina. Ses enfants non plus. Flavio et Lida l'ont quitté l'an passé pour aller en ville. Croyez-vous qu'ils reviendront? Oh, Fiorina, ne pleure pas, non, les temps pleurer aussi, tu te rappelles, quand il m'a quitté. Mais je ne savais pas. Toi aussi, tu pleures et tu ne sais même pas pourquoi. Non, je pleure pour toi, Anna. Et tu ne comprends pas qu'alors il faudrait pleurer sans cesse? Oh, Fiorina, est-ce toi? Est-ce bien toi avec ce front, ces yeux? Y penses-tu? Comment as-tu pu changer ainsi? Je te vois toujours comme tu étais, épanouie comme une fleur. Comment veux-tu que je ne crois pas rêver à te voir ainsi? Mais toi-même, sois sincère, ton image d'autrefois, si tu y repenses. Eh oui, un rêve, Anna. Tu vois bien, tout est pareil, un rêve. Et si ton corps change, change sous ta main, les images de toi, c'est le dire d'avant-hier, en reste-t-il? Des souvenirs de rêve. Hier, avant-hier, tout. Des souvenirs de rêve, oui. Tu vois, il suffit donc que la mémoire soit bien vivante et le rêve devient vie. Mon fils, tel que je le vois, est vivant. Vivant! Alors, je ne parle pas de celui qui est là, sur le lit. Non. Il cherchait à me comprendre. C'est pourtant lui qui est là. Ah, si Dieu voulait que ce fût un rêve. Il faut 7 années, je le sais bien, 7 ans sans rien faire d'autre que de penser à l'enfant qui ne revient pas. Il faut avoir souffert ce que j'ai souffert pour comprendre cette vérité qui dépasse la douleur et apparaît comme une lumière qui ne peut plus s'éteindre et qui donne cette terrible fièvre, cette fièvre froide qui sèche les yeux, le timbre de la voix. Lumière claire et cruelle. Je me tourne au son de ma voix comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait. Tu devrais essayer de reposer un peu. Mais je ne peux pas. Je dois rester vivante. Donc, regardez bien et voyez si tout ce que je dis n'est pas exact. Vous croyez que je viens de perdre mon fils, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas cette nuit qu'il est mort. J'ai pleuré en secret toutes mes larmes quand je l'ai vu arriver. Il ne me reste plus à verser. Quand j'ai vu revenir cet étranger qui n'avait plus rien. Plus rien de mon fils. Eh oui, il avait évidemment beaucoup changé. Vous disiez la même chose il n'y a qu'un instant de votre sœur. Mais chacun sait cela, la vie nous change. Et nous croyons pouvoir nous consoler d'un mot, changer. Ça ne veut-il pas dire différent de ce qu'on était? Un autre? Et si celui d'autrefois n'existe plus, que veut dire changer? Je n'ai pu reconnaître en lui mon fils, celui qui m'avait quitté. Je l'épiais. Je ne souhaitais rien qu'un regard, un sourire à fleur de lèvres, que sais-je, moins encore une lueur sur son front, son beau front d'adolescent avec ses cheveux frisés, dorés par le soleil, qui firent vivre une minute mon enfant d'autrefois dans celui qui m'était revenu. Mais non, non. D'autres yeux, glacés, un front toujours sombre, creusé aux tempes, et chauve, presque chauve. Tel qu'il est là, sur le lit. Vous admettrez peut-être bien que je connaissais mon fils. Une mère regarde son enfant, elle sait comment il est. Mon Dieu, c'est elle qui l'a mis au monde. Eh bien, l'homme, il peut agir envers une mère avec cette cruauté, lui arracher son enfant et le lui changer. Il était devenu un autre, et je n'en savais rien. Il était mort, et je continuais à le faire vivre en moi. Il était mort pour vous, madame, mais il n'était pas mort pour lui, puisqu'il vivait encore il y a quelques heures. Oui, il vivait sa vie, et ce qu'il en donnait aux autres. À moi, il me donnait bien peu depuis longtemps, presque plus rien. Il était tout entier là-bas, toujours. Comprenez-vous maintenant ce que j'ai souffert? Mon fils, celui qui vit en moi, était resté là-bas, près de cette femme, et je n'ai revu que celui-ci. Je ne sais même pas comment il me voyait de son regard changé, cet étranger qui ne pouvait plus rien me donner, qui, si par hasard il m'effleurait de sa main, ne sentait plus comme avant. Que puis-je savoir de sa vie telle qu'elle était devenue pour lui, de sa façon de voir les choses, de sa façon de les sentir quand il les touchait? Ce que nous avons perdu aujourd'hui, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas connaître. La vie telle qu'il la sentait, cela, oui. Mais alors comprenez bien que la véritable raison qui nous fait pleurer une mort n'est pas celle qu'on croit. Nous pleurons celui que nous perdons. Nous perdons notre vie telle que l'a créée celui qui meurt, celui que nous ne connaissons pas. Mais non, madame. Mais si, nous pleurons sur nous. Nous pleurons parce que celui qui est mort ne peut plus, lui, nous donner la moindre existence. Ses yeux éteints ne nous voient plus, ses mains durcies et glacées ne peuvent plus nous toucher. Pourquoi voudriez-vous donc que je pleure aujourd'hui? Sur moi? Quand il était loin, je me disais, s'il pense à moi en ce moment, je suis vivante pour lui. Ça me soutenait, me réconfortait dans ma solitude. Mais à présent, que dois-je dire? Je dois dire que je ne suis plus moi vivante pour lui, que je ne vis plus moi, qu'il ne peut plus penser à moi, me donner la vie dans son esprit. Et vous venez au contraire me dire, vous, que c'est lui qui ne vit plus pour moi. Mais s'il vit pour moi, il vit de toute la vie que je lui ai toujours donnée. Ma vie, la mienne et non pas la sienne, que je ne connais pas. Sa vie, il la vivait lui-même, loin de moi, je n'en savais plus rien. Pendant 7 ans, je lui ai donné la vie sans qu'il eût la moindre part. Ne puis-je continuer à le faire vivre de la même façon? De lui, qu'est-ce qui est mort qui ne fut déjà mort pour moi? J'ai eu le temps de m'apercevoir que la vie ne dépend pas de la présence ou de l'absence d'un corps sur nos yeux. Le corps peut être là devant nous et être mort, vidé de la vie que nous lui donnions. Ses yeux qui parfois s'élargissaient, illuminés brusquement par un jet de lumière qui les emplissait de rire, de bonheur et de soleil, il les avait perdus dans la vie qu'il vivait. Mais en moi, non. En moi, ses yeux n'ont pas changé. Je l'appelle. Il se retourne bien vivant et ses yeux sont toujours pleins de rire, de bonheur et de soleil. La vérité, c'est que je ne dois plus lui permettre à présent de s'éloigner de moi en qui il a toute sa vie. Il faut qu'aucune existence ne s'interpose entre lui et moi. Voilà tout. Toute ma vie sera à lui. Seront lui mes yeux qu'il voit, mes lèvres qui lui parlent. Je peux même le faire vivre là où il préfère, peu importe, sans qu'il me donne rien de cette vie, là-bas, près de cette femme. Il la vivra, cette vie, et moi je continuerai ici à attendre son retour, s'il réussit jamais à se délivrer de sa passion. Vous êtes au courant? Oui, il m'a tout dit. Oui, oui, je l'avais supposé. Il m'a dit comment il voulait qu'on lui annonçât sa mort. Son amour n'a pas failli jusqu'au dernier moment. Oui, il souhaitait qu'on lui apprît la chose avec toutes les précautions, en avertissant d'abord sa mère qui est avec elle à Nice. Cet amour ne lui fera jamais défaut, jamais. Que dites-vous là? Il suffit qu'elle sache le faire vivre dans son cœur, attendre qu'il revienne d'ici. Si elle l'aime, elle saura me comprendre. Leur amour, par bonheur, était de ceux qui savent se passer du corps. C'est ainsi qu'ils se sont aimés, ils peuvent continuer à s'aimer encore. Anna, que dis-tu? Ils le savent, dans son cœur à elle. Il suffit qu'elle lui donne la vie de tout son amour, comme elle la lui donne sans aucun doute en ce moment. Il suffira qu'elle le pense en vie ici, comme je le pense en vie là-bas. Vous croyez donc qu'on peut ainsi passer par-dessus la mort? Non, n'est-ce pas? Ainsi, non, on ne doit pas. La vie a toujours mis sur les morts une pierre pour passer dessus. Mais il s'agit de notre vie, non pas de celle de celui qui meurt. Les morts, nous les voulons morts pour pouvoir vivre en paix notre vie. Voilà comment il faut passer par-dessus la mort. Non, et non, et non. Oublier la mort est une chose qui n'est pas permise, mais les pensées en vie, comme vous le dites, en est une autre. Attendre leur retour. Que l'on sait impossible. Il vaut donc mieux le penser mort tel qu'il est là. Et malheureusement. Être certain qu'il ne peut plus revenir. Pleurer beaucoup, et puis s'apaiser peu à peu. Trouver quelques consolations. Oh, et puis de temps à autre, de très loin, se souvenir de lui, il était de telle ou telle façon, il disait ceci, il disait cela. C'est ce que vous voulez. Ma pauvre Anna, on a toujours fait ainsi. En somme, le faire mourir ainsi en nous, non pas d'un coup, comme il est mort dans cette chambre, mais peu à peu, en l'oubliant, en lui refusant la vie que nous lui donnions, parce qu'il ne peut plus nous en donner aucune à nous. C'est bien cela, n'est-ce pas? Donnant, donnant. Tu ne me donnes plus rien, je ne te donne plus rien. Ou tout au plus, considérant que si tu ne me donnes plus rien, c'est que tu ne peux plus parce qu'il ne te reste rien. Pas un atome de vie pour toi. Je te donnerai un peu de la vie que j'aurai en excédent en me souvenant de toi, de loin. De très loin, bien entendu, pour que tu ne puisses plus revenir. Sinon, quelle horreur. Oui, voilà la mort dans sa perfection. Et voilà la vie qu'une mère qui veut être sage doit continuer à mener quand son enfant est mort. À ce moment, Giovanni, le vieux jardinier, paraît l'air embarrassé, une lettre à la main. Apercevant Donna Anna, il n'entre pas et montre la lettre à Donna Fiorina, en prenant garde de n'être pas vu de sa patronne. Mais Donna Anna, voyant se retourner sa sœur et Don Giorgio, se retourne aussi. Qu'y a-t-il, Giovanni? Rien. Je voulais dire à madame... Est-ce la lettre qu'il attendait? Vous avez une lettre? Oui, mais... Donnez, je sais qu'elle est pour lui. Il l'attendait avec tant d'impatience. Oui, puis 2 jours déjà. Il vous en a parlé. Il m'a dit que vous l'ouvriez quand elle arriverait. Que je l'ouvre, moi? Oui, pour conjurer à temps un risque qui, jusqu'au dernier moment, l'a tenu dans l'angoisse. Ah, je sais quoi. Et il avait peur qu'elle commît la folie. De venir leur joindre ici, je sais. Il s'attendait à ce qu'elle abandonne à ses enfants, son mari, sa mère. Et il m'a même dit qu'il avait commencé une lettre pour la détourner de cette folie. Une lettre pour elle? Oui. Alors elle doit être là, sur ce bureau? Sans doute, mais il n'y a plus qu'à la détruire et obéir à son vœu qui était que vous écriviez à la mère. Mais voyez d'abord ce qu'elle dit, cette lettre. Ah, oui. J'étais resté pour vous prévenir, mais voilà la lettre arrivée. Ah oui, la voilà. Une lettre pour lui qui n'est plus là? Si, il y est. Oui, elle lui dit qu'elle veut venir, qu'elle arrive. Il faut l'en empêcher. Sans perdre une minute. Elle n'y tient plus, tant qu'il était près d'elle. Oh, comme elle lui écrit, comme elle l'aime. Oui. Oui, alors toi aussi, tu le pourras. Oh, elle est désespérée, ce tourment, oui. Oh oui, tant d'amour. Ah non. Mais lui aussi, mais oui, si ou ailleurs, il est toujours pour toi. Ah, elle le voit. Ah, mon Dieu, mais l'absence la désespère. Non, il est impossible, entendez-vous. Impossible en ce moment de lui faire savoir qu'il ne peut plus lui donner le réconfort de son amour, de sa vie. C'est bien pourquoi il a demandé... On ne la préviendra pas directement. Sa mère la préparera mieux. Ah non, c'est impossible, il en deviendra folle, il en mourra, non. Mais voyons, Anna, il faudra pourtant bien... Mais pourquoi? Ah, si vous sentiez comme il est vivant pour elle, comme il vit dans son désespoir, comme elle lui parle, comme elle lui crie son amour, elle menace de se tuer. Quel désastre si pour elle, il ne vivait pas en ce moment. Que dis-tu là, Anna ? Sa lettre commençait là. Ah oui, oui. La voilà. Que voudriez-vous en faire, madame ? Il a dû trouver lui-même les mots vivants qu'il fallait pour la réconforter, la retenir, pour la détourner de son projet désespéré de venir le retrouver. Vous voudriez lui envoyer cette lettre ? Je vais la lui envoyer. Ah, non, non, madame ! Anna, que vas-tu faire ? Je vous dis qu'elle a encore besoin de sa vie. Vous voulez que je lui tue en ce moment ? Au risque de la tuer aussi ? Mais tu écriras en même temps la vérité à sa mère. J'écrirai en même temps à sa mère pour la conjurer de ne lui laisser vivant. Ah, maintenant, laissez-moi, laissez-moi. Mais la lettre n'est pas finie. Je la finirai. Nous avions la même écriture, il écrivait comme moi. Je la finirai. Non, Anna. Non, non, vous n'avez pas le droit. Laissez-moi seule. Il a encore cette main, ma main, pour lui écrire. Il lui écrira. Même salle, à la tombée de la nuit, quelques jours plus tard. De part et d'autre de la fenêtre, contre le mur, un vase de jardin avec une plante fleurie. Giovanni, sur le seuil de la porte, tient dans ses bras un vase semblable. Là, Giovanni. Posez-le là. Parfait. Maintenant, allez chercher l'autre, que vous mettrez de l'autre côté. S'il pèse trop, faites-vous aider. Oh, madame, c'est inutile. Oh, je sais qu'ils sont lourds pour vous, mon vieux Giovanni. Allez, respire ce parfum, Fiorina. Ah, oh, qu'elles sont belles, toutes vivantes. Mais tu te rends ta tâche encore plus difficile, Anna. Y songes-tu ? Folie pour folie, laisse-moi faire. Nous n'en avons jamais commis aucune dans notre jeunesse, pour notre propre compte, ni toi ni moi. Mais tu te fais complice de la sienne. Tu en portes la responsabilité. Non, non. Il a conjuré sur tous les tons, de toutes les manières, de ne pas commettre cette folie. C'est elle qui a voulu venir. Elle avait cette idée fixe dans la tête. Je n'avais plus le temps de l'en empêcher en écrivant. Elle était déjà partie. Mais si tu avais écrit à sa mère ? Je n'ai pas pu. J'ai essayé 3 jours de suite. Je n'ai pas su. J'ai trop peur. Peur de quoi ? Qu'elle ne puisse faire comme moi. J'ai peur quand elle saura que son amour finisse. Mais c'est ce que tu devrais te souhaiter et lui souhaiter. Ne dis pas cela, Fiorina. Elle m'a encore écrit une lettre, tu sais. Une autre lettre ? Je l'ai lue pour lui. Elle était plus désespérée encore que la première. Seigneur mon Dieu, Anna, tu m'épouvantes. Non, une mère qui s'épouvante, comme si elle n'avait pas contenu ses 2 enfants vivants dans son sein, comme si elle ne les avait pas nourris d'elle-même avec cette belle faim qu'on a pour 2 quand on est enceinte. Est-ce que tu t'épouvantais alors ? Aujourd'hui, je mange la vie pour lui. Si je l'appelais, est-ce que tu recommencerais à t'épouvanter ? Non, Anna, je t'en supplie. Tu crains qu'il puisse punir ton épouvante en t'apparaissant par jeu dans sa chambre. Je n'ai nul besoin de croire aux fantômes. Je sais qu'il vit en moi. Je ne suis pas folle. Je le sais bien, mais tu agis comme si tu l'étais. Que sais-tu de ma façon d'agir ? Des heures que je passe lorsque là-haut... J'abandonne ma tête sur les oreillers que je perçois le silence et le vide de ces chambres. Lorsqu'aucun souvenir ne me suffit plus pour le ranimer parce que je suis trop lasse. À 7 minutes, moi aussi, je sais. Je suis saisie d'horreur et d'épouvante. Mon unique refuge, mon dernier réconfort en ces instants, c'est elle. Elle qui vient et ne sait pas encore. Elle me ranime et m'emplit d'un coup toutes ses pièces. Je me jette tout dans ses yeux, dans son cœur à elle, pour le voir encore ici, pour le sentir encore vivant dans cette maison. Moi seule, je ne puis plus. Mais quand elle sera là ? Tu veux me faire penser avant l'heure à ce qui arrivera ? Tu es cruelle. Tu ne vois donc pas ce que je souffre ? J'ai la sensation de respirer comme quelqu'un dont les minutes sont comptées. Et tu veux m'enlever ces dernières minutes ? C'est que j'estime que ce voyage risque de la compromettre. À présent que tout est fini. Non, elle lui a écrit. Son mari n'est pas à Nice. Il est à Paris pour affaires. Elle profite de son absence. Et si son mari revenait à l'improviste, et ne la trouvait pas. Bon, elle doit avoir combiné avec sa mère quelque excuse valable à son voyage de quelques jours. Sa mère a encore des propriétés à Cortone. Mais comment la pensée a-t-il pu lui venir de le rejoindre ici, sous tes yeux? Mais il ne vient pas ici. C'est moi qui l'y conduirai. Et il lui a écrit d'aller l'attendre à la gare. Et à sa place, c'est toi qu'elle y trouvera. Que lui diras-tu? Je lui dirai avant tout de venir avec moi. Je ne puis pourtant pas lui dire la vérité. À la gare, devant tout le monde. Mais quelle impression éprouvera-t-elle en tout voyant? Qu'est-ce qu'elle pensera en ne le trouvant pas? Elle pensera qu'il n'est pas là parce qu'il est parti, qu'il m'a envoyé pour le lui annoncer. Voilà ce que je lui dirai d'abord, enfin, quelque chose d'approchant. Mais quand elle sera ici, au moins lui diras-tu la vérité? Après que je l'aurai convaincue de me suivre, oui. Alors pourquoi as-tu fait mettre ces fleurs? Parce qu'en entrant ici, elle ignorera tout. C'est lui qui a disposé ces vases, ce n'est pas moi. J'en supplie, cesse de m'interroger. Elle arrive, ces fleurs sont indispensables. Ah, là, Giovanni, où je vous ai dit. C'est la plus belle de toutes. Oui, nous avons choisi les plus belles. Voulez-vous dire à présent qu'on a-t-elle? La voiture est déjà prête, madame. En 10 minutes, vous serez à la gare. Très bien, vous pouvez disposer. Élisabeth, la chambre n'est pas encore faite. Oh, Anna, tu veux la faire coucher là? Non, c'est pas pour elle. Pour elle, j'ai fait préparer une chambre là-haut. Élisabeth, pourquoi avez-vous ouvert la fenêtre? Oui, madame, ils montent en courant. Maman, les enfants, maman. Ils ont avancé d'un jour. Ils ne devaient arriver que demain. Maman, les voilà, les voilà. Lida, 18 ans, Flavio, 20 ans, font irruption dans la pièce. Ils ont quitté le village l'année précédente pour aller faire leurs études à la ville, et ces quelques mois ont suffi à les changer. Ils sont autres. Leur corps, le son de leur voix, leurs gestes, leurs regards, leurs sourires ont changé. Naturellement, ils l'ignorent. Mais leur mère s'en aperçoit tout de suite, après les premières et impétueuses effusions. Et elle en reste bouleversée, tant lui apparaît tragiquement l'évidence de ce que sa sœur lui a révélé. Maman! Ma petite maman! Ma petite Lida! Expliquez-moi comment vous êtes déjà là! Flavio! Flavio! Petite mère! Expliquez-moi! Vous m'avez donné un de ces coups! Nous avons réussi à partir un jour plus tôt, c'est tout! Ah, il s'en vante à présent, mais il ne voulait pas! Naturellement! Des courses à droite, à gauche, à n'en plus finir! Oh. Chez la couturière, chez la modiste, et le chypre-côti, et les bas de soie! Qu'est-ce que tu feras de ces bas de soie à la campagne? Je serais curieux de le savoir! Eh bien, tu verras, maman, tout ce que j'ai apporté de beau, et pour toi aussi! Donna Fiorina, qui s'est efforcée de sourire en les écoutant, frémit en marquant la transformation de ses enfants. Les yeux tournés vers sa sœur qui s'est retirée à l'écart dans la pénombre qui commence à noyer la pièce. Oui, oui, mais vous parlez. Où avez-vous la tête? Lida et Flavio, suivant le regard de leur mère, se souviennent qu'ils sont chez leur tante. Ils pensent au récent malheur qu'ils avaient oublié. Dans leur premier élan, et attribuant le trouble de leur mère à cet oubli, ils se troublent eux aussi. Et se tournent tout à coup confus vers leur tante. Ah, ma tante, tu étais là. Oui, pour nous pardonner, nous sommes entrés en courant. Il y a un an que nous n'avions pas vu, maman. Ce pauvre Fulvio. Cela nous a fait un grand chagrin. Pour toi, tante. J'espérais le trouver ici, passer les vacances avec lui. Et moi, j'espérais faire sa connaissance. Tu devrais te le rappeler. Mais j'avais 9 ans à peine quand il est parti. Ma pauvre tante. Il faut nous pardonner. Toi aussi, maman. Non, Flavio. Non, Lida, ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause de vous. Quoi? À cause de nous? Rien, mes enfants. Bon retour. Ils ont changé, mais ça a été pour embellir. Alors, il est temps que je m'en aille. Nous n'avons plus pensé en entrant. Elle a dit que c'était à cause de nous? Qu'entendait-elle par là? Rien, mes enfants, rien. Ce n'est pas vrai, non. Laissez-moi vous regarder. Comme ils ont changé. En plus beau, Élisabeth, en plus beau. Oh, pour sûr, c'est déjà une demoiselle, on ne la reconnaîtrait pas. Non, Lida, ma petite Lida. Oui. Mon Flavio. Petite mère, qu'est-ce que tu as? Approchez bien après. Laissez-moi vous regarder. Ne pense plus à rien, Lida, regarde-moi. De quoi est-il mort, maman? C'est à cause de... De cette femme? Non. Il est tombé malade brusquement. En 2 jours, il a été emporté. Je vous raconterai. Mais vous, parlez-moi. Parlez-moi. Tu vois bien, toujours tes idées romanesques. Je te l'avais bien dit. Du moment qu'il avait pu se détacher d'elle, c'est qu'il ne l'aimait plus à en mourir. Que dites-vous là? Je t'avertis, elle passe son temps à lire des romans. Oh, Lida. Non, ne l'écoute pas, maman, ce n'est pas vrai. Elle en a une 20aine dans sa malle, ainsi. Oh, fais-moi le plaisir de ne pas te mêler de mes affaires. Comment? Vous vous disputez? Il est insupportable. Ben, ne l'écoute pas, maman. Et quelle est l'héroïne de roman qui t'a suggéré le Chypre? Le Chypre? C'est une de mes amies. La petite Rosie? Non. La petite Frankie? Pas davantage. Oh, elle change d'amis tous les 2 jours. Quelle girouette. Oh, ils sont partis, c'était 2 petits campagnards. Et maintenant, on dirait 2 petits Milord. C'est tout naturel. L'air de la ville. Ils ont grandi. Lida, qu'est-ce que c'est que ce Chypre? Un parfum, maman. 1800 francs le flacon. Oh. Tu te parfumes à ton âge? Mais maman, j'ai 18 ans. 3 flacons, 5 400 francs. Oh, après tout ce que tu as dépensé en cravate, en faux col, en gants, tu oses me reprocher 3 flacons de Chypre? Je vous en prie, taisez-vous. Je ne veux plus entendre de discussion. Tu te peignes comme ça maintenant, comme une grande? Elle avait les cheveux dans le dos quand elle est partie. C'est vrai, tu es plus grande que moi. Dis-moi, quelle impression t'ai-je produite? Mais tu as l'air de te porter tout à fait bien. Pourquoi me dévisages-tu ainsi? Je te dévisage, moi? Il me semblait. Et toi, Flavio? Mais sais-tu que tu es étrange, petite mère? Ah, ne ris pas, je t'en prie. Oui, je sais très bien que je ne dois pas rire dans cette maison. Mais tu parles, tu nous regardes d'un si drôle d'air. Moi? Il fait déjà nuit. Je vous cherche des yeux, je ne vous vois presque plus. L'ombre, en effet, s'est épaissie, et peu à peu, le reflet de la lumière allumée dans la chambre du mort s'est intensifié. Je vais allumer. Non. Allons-nous-en, Metti. Rentrons chez nous. Il est tard. Oh! C'est éclairé par là, il y a quelqu'un? Si vous saviez. C'est là qu'il est mort. Dans cette maison, c'est comme si personne ne vivait plus. Lui seul est vivant. Elle laisse la lumière allumée. Et la chambre faite? Ne regarde pas, Lida. Comme s'il pouvait arriver d'un moment à l'autre. Non. Comme s'il n'était jamais parti, comme s'il était encore là, comme avant son départ. Elle dit qu'elle sait comment faire pour l'empêcher de partir. Les enfants qui partent meurent pour leur mère, ils ne sont plus les mêmes. Oh. Pauvre tante. Quel malheur. C'est une espèce de folie. Si vous l'entendiez en parler, on croit presque le voir. Je me retourne pour regarder derrière moi quand je suis seule ici, comme s'il allait sortir de sa chambre, passer cette porte pour aller au jardin, ou s'avancer vers la fenêtre. Je vis dans un tremblement continuel. Elle me fait veiller à sa chambre, refaire le lit. Voyez, la couverture est faite. Chaque soir, c'est pareil. Tout est prêt. Comme s'il allait revenir se coucher. Lida, ma petite Lida, tu m'aimes encore. Ainsi, elle continue à le faire vivre. Flavio, mes enfants, allons-nous-en, je vous en supplie. Oui, maman. Attendez, madame. Je vais vous éclairer. Tout est encore dans le noir, par là. Oui, c'est cela, Elisabeth. Merci. Allons-nous-en. Voilà. Rentrons. Nous vous suivons. La salle reste vide et obscure. De la porte vient seul un reflet spectral. Sans le moindre bruit, le tabouret placé devant le bureau s'écarte lentement, comme tourné par une main invisible. Le léger rideau de la fenêtre se soulève d'un côté, comme écarté par la même main, puis retombe. Qui sait les choses qui se passent sans que nul les voie, dans les chambres désertes où quelqu'un est mort. Elisabeth rentre enfin et donne la lumière. Instinctivement, elle rapproche le tabouret du bureau, sans le moindre soupçon que quelqu'un l'ait déplacé. Puis, pour se soustraire de la vue des objets de la pièce, elle va à la fenêtre. Elle soulève de la main le léger rideau, ouvre la fenêtre et regarde dans le jardin. Qui est là? Giovanni, c'est vous? Giovanni! Vous la voyez? Non? Quoi donc? Là-bas, entre les oliviers de la colline. Ah oui, je la vois. Alors vous êtes là, regardez la lune? Je veux voir si ce qu'il m'a dit est vrai. Qui? Il. Qui? Quelqu'un qui ne peut plus la voir. Ah. Lui? Il est déjà fait connaître, comme vous en France. Ne me faites pas peur. Je ne vis plus. C'était le lendemain de son retour. Il vous a parlé de la lune? Que disait-il? Que plus elle monte, plus elle se perd. La lune? Tu regardes par terre, tu me disais. Et tu vois sa clarté là-bas, sur la colline. Ici, sur tes planches. Et si tu lèves la tête, pour la regarder elle-même, plus elle est haute, plus elle a l'air éloignée de notre nuit. Éloigné? Pourquoi? Parce qu'ici, pour nous, c'est la nuit. Mais la lune ne voit pas la nuit. Elle est perdue là-haut dans sa lumière. Ah, quoi il allait penser, hein, en regardant la lune. Ah, j'entends les chronos de la voiture. Courez! Courez ouvrir la grille! Elisabeth se dépêche de fermer la fenêtre et se retire. Un instant après, arrive Lucia Maubel et Donna Anna. Elles ont eu, durant le trajet de la gare à la villa, les premières explications prévues. La jeune femme en reste offensée, mortifiée, pleine de troubles. Venez, venez, c'est son appartement. Si vous entrez par là, vous en aurez la preuve. Vous verrez partout, avec les dernières fleurs qu'il a laissées hier devant tous vos portraits. Il a mis des fleurs et puis il s'est sauvé. On vous recommence à lui reprocher. Si vous saviez ce qu'il en coûte de n'être pas là. J'arrive, je ne le trouve pas. Vous dites qu'il l'a fait pour moi. À contre-cœur. Par prudence. Et vous ne trouvez pas que tant de prudence est plus qu'un reproche, plus même qu'une offense envers moi, que c'est une véritable insulte? Non, non. Une insulte aussi cruelle que je pourrais penser qu'il a été prudent pour lui plutôt que pour moi. Non, non, pour vous, pour vous. Mais je ne suis pas morte, je suis là. Morte? Que dites-vous là? Comment? À mon approche, il s'enfuit en laissant des fleurs devant mes portraits. Qu'est-ce que cela veut dire? Que son amour peut être pareil à celui qu'on a pour une morte? Et moi qui ai quitté tout le reste de ma vie pour courir à lui, ce qu'il a fait est impardonnable. Mais il ne l'aurait pas fait. Il est certain qu'il n'aurait pas agi ainsi. Il y a donc une raison pour qu'il ait agi de la sorte? Oui. Quelle est cette raison? Je veux savoir. Vous me permettez de vous appeler Lucia? Oui, oui, appelez-moi Lucia. Je vous en suis reconnaissante. Et de vous dire qu'il n'a pas voulu vous offenser ici, obligé de partir. Mais dites-moi pourquoi? Pour quelle raison? Je vous la dirai. Mais d'abord, ceci. Puisqu'il vous confiait à moi, c'était qu'il ne voulait pas vous offenser. Comprenez-moi. Oui, je sais que... Oui, qu'il m'a toujours tout confié. Comment vous vous êtes aimé? Tout? Oui, il pouvait tout me dire, puisque... Oh... Non! Ah non, non. Comment? Alors vous... Pardonnez-moi. Oh, pardonnez-moi, soyez une mère pour moi aussi. C'est pourquoi je suis ici. Mais alors lui... C'est pour cela que nous nous sommes séparés. Mais c'est vous qui l'avez forcé à partir. Mais oui, après, aussitôt après. Après tant d'années, cet amour a été plus fort que nous. Il nous a fait succomber par traîtrise. Ah, c'est pour cela. J'ai bouleversé, atterré. Je l'ai poussé à partir. Je n'aurais plus osé regarder mes enfants. Mais tout a été inutile. Inutile. Je ne pouvais plus les regarder, je me sentais mourir. Devinez-vous pourquoi? J'en attends un autre. De lui! Je suis là pour ça. De lui! De lui! Il ne le sait pas encore, il faut qu'il le sache. Dites-moi où il est. Ah, ma fille, mon enfant. Alors il vit réellement en vous. En vous quittant, il vous a laissé une vie qui était à lui. Oui, oui, oui, il faut qu'il apprenne sans retard. Où est-il? Dites-le-moi, dites-le-moi, où est-il? Comment vais-je faire à présent pour vous le dire? Oh, mon Dieu, comment vous le dire à présent? Vous ne le savez pas? Il est parti. Il ne vous a pas dit où il allait? Il ne me l'a pas dit. Il a cru, je le vois bien, que je venais le retrouver uniquement pour... Oh, il n'avait pas le droit de croire cela de moi. J'ai été coupable autant que lui. Je l'ai voulu autant que lui, mais tout de suite après, je l'ai poussé à partir. Je ne serais pas venue pour ça. C'est que je ne puis plus à présent me détacher de lui. Revenir là-bas, dans mon état, je ne puis pas. Cela me fait horreur. Vous avez raison. Oh, vraiment, vous ne pouvez pas me dire où il est. Vous ne le savez pas. Mais comment peut-on lui faire savoir? Attendez. On le lui fera savoir. Mais comment? Si vous ignorez où il est, il ne peut pas être parti pour un long voyage sans vous prévenir, sans m'avoir averti. Non, il n'est pas loin. Il ne peut pas être loin. Il a eu peur s'il vous disait où il allait que... Ou bien ne serait-ce pas vous qui lui avez conseillé de partir? Mais je ne savais pas. Oh, je deviens si méfiante. Quelle tristesse. Je sais bien, j'aurais dû lui écrire la vérité, mais je n'ai pas voulu gaspiller en mots les forces dont j'avais besoin pour mener à bien la résolution que j'avais prise. Il a pris ma décision pour une folie, une frénésie. C'est ça, c'est bien cela. Et il m'a fui pour me permettre de retrouver auprès de vous la raison que j'avais perdue. Ah, je comprends, oui, je comprends, mais il reviendra. Il écrira, enfin, il vous fera savoir où il se trouve. Mais oui, certainement, calmez-vous, asseyez-vous. Tenez, asseyez-vous là, près de moi. Laissez-moi vous appeler ma fille. Ah, oui. Lucia. Oui. Ma fille. Oui, ma mère. Maman, je sens à présent qu'il vaut mieux que je vous ai trouvé ici, d'abord, à sa place. Ma fille, que vous êtes belle. Ses yeux, cette bouche, l'odeur de vos cheveux, le parfum de votre corps. Ah, je comprends. Il aurait dû bien plus tôt te faire sienne. Il aurait dû me donner cette joie d'avoir en toi une autre enfant. En évitant tout le mal que nous avons fait. Il n'y faut plus penser. Ceux qui n'en ont pas fait eux-mêmes, qui sait tout le mal qu'ils ont causé à d'autres, à ceux qui le font et qui seront peut-être les seuls à en tirer du bien. Toi, plus que moi. J'ai brisé ma vie en deux, moi. Tu portes une vie en toi. Mais mes autres petits, là-bas, il a fallu que je me sauve avec cette vie qui n'est encore rien et qui pourtant est devenue tout pour moi. Tout mon amour transformé brusquement en devenu ce qu'il n'aurait jamais dû devenir. Il est devenu de la vie. Ah, oh, ce que j'ai souffert. Vous ne pouvez l'imaginer. Le lit où le plus pauvre trouve le repos était pour moi une torture. Je me faisais des serments. Vous connaissez la brûlure de certaines entrailles. C'était cela. Je serrais les dents, je luttais pour que mon corps ne cessât pas de m'appartenir, pour l'empêcher de s'abandonner. Et chaque fois que je sortais de cet horrible cauchemar, où pour une minute aveugle, j'avais été contrainte de me parjurer... Enfin libérée, je pouvais me sentir à lui seul, toute pure après ce martyre, sans remords. Nous n'aurions pas dû céder à notre tour. Mon serment ne valait que si nous restions purs. Mes autres enfants, il faut que vous le sachiez, vous êtes mère et je peux tout vous dire. Oui, parlez. Ces petits n'étaient pas, c'est vrai, de l'amour qui s'était incarné. Ils étaient la chair de l'autre. Mais l'affection que j'avais pour eux, l'amour que je leur donnais, le cœur plein de l'homme que j'aimais avait fait d'eux un peu des enfants à lui. Oui, l'amour est un... Mais maintenant, ce n'est plus possible, je ne peux pas être à deux hommes, je me tuerai plutôt. Vous n'êtes pas seul en jeu. Vous ne pouvez donner à votre mari cet enfant qui va naître et qui est à vous et à lui. Vous ne pouvez pas. N'est-ce pas que j'ai raison? Vous n'en avez pas le droit. Et c'est pourquoi je vous demande... Vous me demandez? Si vous avez bien pensé à votre devoir aussi envers l'enfant. La violence que je me suis faite pendant tant d'années. Ces deux enfants qui sont nés malgré cette violence. Que voulez-vous dire? Oh, contre eux, pauvres petits, je n'ai rien. Mais contre cet homme, je sens en moi un sentiment de haine si profond, si obscur que je ne puis l'exprimer. J'ai été mère deux fois sans l'avoir voulu. Des œuvres d'un homme qui m'est un étranger. J'ai souffert dans ma chair vivante et dans mon âme déchirée sans que seulement il s'en souciât. Je ne le connais pas, je ne peux pas juger. Il m'a rendue mère parce que j'étais sa femme, pour pouvoir me tromper tranquillement avec d'autres. Combien d'autres? Cynique, méprisant. Il ne s'intéresse qu'à ses affaires en dehors, le plus vain, le plus froid des êtres. Il regarde la vie pour en rire, les femmes pour les conquérir, les hommes pour les tromper. J'ai pu résister, demeurer avec lui parce que j'avais mon amour qui me soutenait, qui m'apportait un air pur à respirer au milieu de ce bourbier. Ah, nous n'aurions pas dû nous salir à notre tour. Je vous jure que ça n'a pas été une joie pour moi. Et la preuve, c'est affreux à dire, mais c'est ainsi. La preuve, c'est cette nouvelle maternité. Que dites-vous là? Je suis venue ici pour qu'il me fasse, s'il peut, sentir que j'ai tort. J'avais tout fait depuis 3 ans pour ne plus être mère. Je crois que ce doit être une joie. Et je ne veux rien d'autre, je vous jure, que ceci. Éprouver cette joie que je n'ai jamais éprouvée. Mais cette joie, vous devez l'avoir dans votre cœur. Si vous ne la sentez pas, qui peut vous la donner? Lui. Lui? Lui, oui, mais tel que vous l'avez dans votre cœur, c'est la seule façon, il en est toujours de même. On ne doit rien chercher qu'en soi. Et rien ne peut plus me venir de moi en ce moment. Je suis si perdue. Oh, si perdue, ce dernier coup de l'avoir pas retrouvé là m'a achevé. J'ai besoin de lui, de le voir, de lui parler, d'entendre sa voix. Où est-il? Dites-vous, où peut-il être? Et comment le saurons-nous? Tant que je ne le serai pas, je n'aurai pas de repos. Mais voyons, il est impossible que vous ne supposiez même pas où il a pu aller. Je ne le sais pas, ma fille, mais il faut que vous vous accordiez maintenant un peu de paix. Non, je ne puis pas. Oh, comme vous tremblez. Vous devez être si fatiguée après ce long voyage. Mes oreilles bourdonnent. Ma tête est vous vide. Vous voyez. Oh, j'ai si peur, si peur. Il faut aller vous reposer. Ne l'avoir pas trouvé ici, je crois que j'ai de la fièvre. Mais vous avez besoin de repos. Demain matin, nous aviserons. Je deviendrai folle dans la non, nuit. Non, je vais vous enseigner à écarter la folie. Je vous dirai comment on fait quand quelqu'un est loin. Comment j'ai fait pendant des années quand il était près de vous. Je le sentais près de moi parce que mon cœur le ramenait près de moi. Non, non, je dis mal, il n'était pas près de moi, il était dans mon cœur. Faites comme moi, la nuit passera. Songez que vous êtes chez lui, qu'il est dans la chambre à côté. Sa chambre est là? Là, oui. Et pensez qu'il vous écrit sur ce bureau. Il m'a écrit des méchancetés. Sur ce banc jusqu'à hier, il m'a tellement parlé de vous. Oui. Mais il est parti. Il ne savait pas. Que de choses m'a-t-il suggéré pour vous faire comprendre sans vous offenser et sans vous faire souffrir qu'il n'agissait que pour votre bien. Mais à présent... À présent, évidemment, tout est changé. Il reviendra. Il reviendra, soyez tranquille. Mais pour l'instant, montez avec moi. Je vous ai préparé une chambre là-haut. Oui. Je voudrais voir la sienne. Mais oui, entrez. Vous ne voudriez pas me laisser coucher là? Dans sa chambre. Vous le désirez? Je le puis maintenant. N'est-il pas avec moi? Vous voyez que vous éprouvez déjà ce que je vous disais. Eh bien, couchez là, si vous le voulez. Cela vaut peut-être mieux. Plus près. Plus près, dans votre cœur. Dans votre cœur. Elle la suit. La salle reste vide un instant. Puis Donna Anna revient, se retournant pour parler avec la jeune femme qui l'accompagne jusqu'au seuil. Oh oui, avec cette magnifique lune. Bonne nuit, ma fille. À demain. Je ferme la porte. Bonne nuit. Donna Anna, seule, après avoir refermé la porte, reste un instant immobile, comme épuisée. Mais son visage s'éclaire peu à peu d'un spasme de joie divine. Toujours dans la même salle, le lendemain, tôt dans la matinée. Giovanni apparaît d'abord, mais il s'efface pour introduire Madame Francesca Noretti, qui arrive de la gare pleine d'anxiété, d'angoisse et d'épouvante. Entrez, madame. Oh, mais comment peut-elle dormir? La fatigue du voyage, il est à peine 7 heures du reste. Où est-elle couchée, le savez-vous? Elisabeth lui a préparé hier une chambre à l'étage au-dessus. Pouvez-vous m'y conduire? J'ai fait prévenir Elisabeth et madame est déjà levée. Je l'ai vu ouvrir ses persiennes. Mais est-il possible qu'elle ignore encore sa mort? Elle est bien arrivée hier au soir. Hier au soir, oui, madame. La patronne est allée la chercher à la gare. Vous l'avez vue arriver? Est-ce qu'elle pleurait? Non, madame, je ne crois pas. Oh, on ne doit pas lui avoir dit la vérité pour qu'elle puisse dormir. Oh, c'est probable, madame. Regardez ces plantes. Je les ai apportés ici hier au soir. Bon, la patronne, c'est comme s'il n'était pas mort. Elle ne s'est pas habillée de noir. C'est pour ça qu'elle n'a rien fait savoir à personne. Le décès remonte à 11 jours. 11 jours ce matin. Et je l'ai appris à la gare en arrivant. J'ai demandé son adresse, comment il allait, et on m'a tout dit. Voilà, madame. Plus bas, je vous en prie. Vous êtes sa mère. Vous pouvez vous imaginer dans quel état je suis, madame. J'ai voyagé comme une folle. Où est-elle? Où est-elle? Elle ne sait rien encore. Plus bas, plus bas. Conduisez-moi. Elle ne sait rien. Conduisez-moi près d'elle. Je l'éveillerai et je lui dirai tout. Non, madame, je vous en conjure. Mais comment, madame, n'avez-vous pu avertir personne, pas même moi, de ce grand malheur, pour l'empêcher de commettre cette folie? Ce n'est pas à cause de lui qu'elle l'a commise. Comment ce n'est pas à cause de lui? Ah non, je vais vous expliquer. Je veux voir ma fille tout de suite. Mais madame, puisque vous savez, à quoi bon maintenant toutes ces craintes, cette anxiété? Mais comment voulez-vous que je ne redoute le pire? Calmez-vous et laissez-moi vous dire Je ne serai pas en paix tant que je ne l'aurai pas reconduite là-bas. Je me suis précipitée dès que j'ai eu le billet où elle me confiait ses enfants. Mais est-ce que vous savez qu'elle a deux enfants? Ah, je ne sais pas comment je ne suis pas morte. Plus bas, plus bas. Venez avec moi, je vous en supplie. Elle est couchée dans cette chambre. Ah, elle est là, j'y vais. Non, madame, non, madame. Vous ne savez pas le mal que vous lui feriez. Pourquoi? Parce que vous ignorez une chose que je sais. Le cas est beaucoup plus grave que vous l'imaginez. Plus grave? Oui, elle m'a l'avoué elle-même en arrivant. Elle a été sa maîtresse? Oui. Il n'est pas aussi mort que vous l'imaginez. Que voulez-vous dire? Qu'il vit maintenant en elle. Comme l'amour d'un homme peut vivre, devenir vie dans le sein d'une femme quand il l'a rendue mère. Ah, comprenez-vous à présent? Votre fils? Et c'est pour ça que... Oh, mon Dieu! Elle est arrivée dans un tel état de désespoir qu'il ne m'a pas encore été possible de le lui dire. Je lui ai dit qu'il était parti à cause d'elle, par prudence, pour ne pas la compromettre. Et il a déjà suffi de cela pour qu'elle se crût morte. Elle, parfaitement morte dans son cœur à lui. Comment sera-t-il possible à présent de le lui faire mourir? Mais avant qu'elle risque à tout comme elle l'a fait en venant ici, vous auriez dû m'annoncer à moi qu'il était mort. Remerciez le ciel, madame, de m'avoir évité ce remords. J'ai cru que je devais me faire ce reproche, avoir ce remords. Mais j'ai pu constater que j'avais été inspirée par Dieu en envoyant à votre fille la lettre laissée par lui, terminée par moi. Comment? Après sa mort? Pour votre fille, ce n'est pas après. Ça a été une chance, je vous l'affirme, une inspiration du ciel. Nous ignorions, vous comme moi, tout son état. Eh bien, croyez-moi, s'il avait appris brutalement cette mort, elle se serait tuée. Mais que voudriez-vous donc? Lier ma fille à un cadavre? Un cadavre. La mort pour elle est là-bas, auprès de l'homme auquel vous l'avez liée. Cet homme-là, oui, c'est un cadavre. J'ai entrepris dès hier au soir, au contraire. J'ai essayé de lui faire comprendre. Qu'elle a ses autres enfants là-bas? Elle ne l'a pas oublié. Elle m'en a parlé elle-même et avec un tel déchirement. Ah, elle m'a dit des choses à faire frémir. Sur ses enfants? Oui. Qu'elle les avait fait siens après, bien après qu'ils lui étaient nés, comme des étrangers. Elle a reporté sur eux pour les faire siens une part de l'amour qu'elle avait pour mon fils, entendez-vous? Ils ont eu besoin, eux aussi, de l'amour de mon fils, pour devenir de la vie dans son cœur. Et cependant, vous avez vu, elle les a abandonnés pour venir ici. Mais quand elle saura qu'il n'est plus là... Il faut qu'il y soit. Oui, si vous voulez la ramener à son martyre, il faut que mon fils soit ici. Et vous devez lui faire comprendre, comme j'ai essayé moi-même, de quelle manière il doit désormais vivre pour elle, uniquement dans son cœur, sans le chercher au dehors, réduite à la vie qu'elle lui donnera. Voilà. Mais d'abord, lui promettre qu'elle le verra. Qu'elle le verra? Ah, pas ici, ici, lui dirons-nous, il n'en reviendra pas avant de savoir que tu es en l'air parti. Tu le verras bientôt, il reviendra te voir là-bas. Parlez-lui de la sorte et peut-être réussirez-vous à la ramener. Ah, écoutez, pensez qu'elle est là à l'attendre, qu'elle a voulu coucher dans son lit, qu'elle est en train de rêver de lui, peut-être. Quand elle s'éveillera, elle pensera à lui comme un être vivant. Mais qui madame, va revenir. Madame, c'est une folie. Mais je... À ce moment... La porte s'ouvre et Lucia apparaît. Remarquant l'attitude de sa mère, après une minute de surprise, elle se trouble, regarde Donna Anna et dans un éclair de lucidité, entrevoit le malheur qui est arrivé. Oh maman, te voilà! Qu'y a-t-il? Oh ma fille! Ma fille! Que se passe-t-il? Qu'étiez-vous en train de dire? Rien! Vous voyez, votre mère est venue à votre recherche. Ce n'est pas cela. Comment se fait-il, maman, que tu ne me parles pas? Qu'est-il arrivé? Mais dites-le-moi! Oh, ma pauvre petite. Il est mort? Il est mort? Non. Non, non, non. Il est mort. Et comment vous? Non, ce n'est pas possible. Le rêve que j'ai fait... Il est mort? Mais dites-le-moi, voyons, dites-le-moi! Il y a déjà bien des jours, ma fille. Bien des jours qu'il est mort? Et vous, comment... Mais pourquoi me l'avoir caché? De quoi est-il mort? Oh, dans ce lit où j'ai dormi. Et vous m'avez fait coucher dans son lit. Oui, je sais, je l'ai demandé, mais vous, ces mensonges, les fleurs, il est parti, voilà sa chambre, je ne sais pas où il est. J'ai rêvé de lui. Il était loin. Loin, il ne pouvait plus revenir. Je le voyais de loin avec un visage de mort, son visage. Son visage. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais il fallait qu'il fût mort pour ne pas m'avoir attendu. Il fallait cela et je ne l'ai pas compris. Mais à cause de vous. Mais comment avez-vous pu faire? C'était pour moi, mais il est mort aussi pour vous, c'est incroyable. Vous me parliez de lui comme s'il était vivant. Je le vois. N'est-il pas mort sous vos yeux? Non, il meurt maintenant. Maintenant? C'est maintenant que je le vois mourir. Que dites-vous? Oh, je le savais. Je savais qu'il pourrait, je n'ai pas voulu y croire. Il me l'avait dit lui-même qu'il reviendrait ici pour y mourir. Et je ne m'en suis pas aperçue. Mais moi, je le savais. Il mourait depuis des années. Ses yeux étaient éteints quand il m'a quittée. Il était déjà comme mort. Il était si pâle, si malheureux. J'ai tout de suite compris qu'il allait mourir. Oui, ses yeux éteints. Et tellement changé, tellement. Je le revois en ce moment. Pour toi, ma fille. Oh, ma fille, sur ta chair à présent, je le vois qui meurt. Je sens le froid de sa mort dans la chaleur de tes larmes. Tu me l'as fait voir tel qu'il était devenu. Moi, je ne l'avais pas vu. Je ne pouvais pas le pleurer. Je ne le voyais pas. À présent, je le vois. Mon Dieu, que dit-elle? Mon petit, ta pauvre chair, tu t'en es allée si dépourvue, si misérable, réduite à rien. Et moi, je t'avais embaumé vivant. Je te voyais toujours tel que tu n'étais plus, ne pouvais plus être, avec tes cheveux, tes yeux qui n'étaient plus les tiens, qui ne pouvaient plus rire. C'est parce que tes yeux ne riaient plus que je ne t'avais pas reconnu. Je voulais te faire vivre en dehors de ta vie, en dehors de la vie qui t'a dévoré. Pauvre chair de ma chair que je n'ai plus su voir, que je ne reverrai plus. Où es-tu? Où es-tu? Ici, maman. Toi? Ah oui, oui. Ah, ne l'emporte pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Non, non, je ne m'en irai pas, maman, je resterai. Comment tu resteras? Mais tu vas me suivre, retourner avec moi tout de suite. Oh non, laissez-la-moi, madame, elle est à moi, elle m'appartient. Laissez-la-moi. Oh, vous devenez folle, madame. Elle m'en a déjà trop fait, songez-y. Non, non. Oh, je ne t'en veux pas, tu sais, je suis ta mère. Vous voulez qu'elle m'abandonne pour vous? Qu'elle abandonne ses enfants? Tu veux abandonner tes petits pour rester avec ce fantôme? Elle aura ici un autre enfant. Elle ne peut le donner à l'homme qui n'est pas son père. Madame, vous n'avez pas honte de ce que vous dites? Et toi, n'as-tu pas honte de ce que tu voudrais me faire faire? Non, non. Non. Ta mère a raison, ma fille. Elle a compris que je pensais à moi et non pas au petit qui viendra. Moi aussi, je n'en peux plus. C'est que je suis en train de mourir, moi aussi. Quand ce petit que tu emportes naîtra, dès que tu leur as donné la vie hors de toi, eh bien, c'est toi qui seras la mère. Ce ne sera plus moi. Personne ne reviendra plus ici me retrouver. C'est fini. Toi, tu auras mon fils, comme je l'ai eu tout petit, avec ses cheveux dorés et ses yeux rieurs. Il sera toi, il ne sera plus à moi. C'est toi qui seras sa mère. Moi, ah, je me sens mourir. Ah, mon Dieu. Mais oui. Mais oui, mais c'est assez. Si c'est pour moi, non. Non, je ne veux pas pleurer. Assez. Va, ma fille. Va vers ta vie. Va te consumer à ton tour, pauvre chère souffrante. La mort, c'est bien cela. Assez, n'y pensons plus. Pensons plutôt à ta mère, qui doit être bien lasse. Non, je veux repartir tout de suite. Tout de suite, c'est pas possible. Il faut attendre le train de Pise. Il ne passe qu'à la fin de la journée. Vous aurez le temps de vous reposer. Et toi, ma fille... Ah non, je ne partirai pas, je ne partirai pas, je resterai avec vous. Tu partiras. Elle-même te le conseille. Il n'y a plus rien ici pour toi. Tes enfants t'attendent. Allons, il faut te dépêcher. Je ne rentrerai pas, je n'entrerai pas près de cet homme. Ce n'est plus possible pour moi, je ne peux pas, je ne peux pas et je ne veux pas. Comment pourrais-je maintenant? Et moi ici? C'est bien là la mort, ma fille. Des choses qu'il faut faire, qu'on le veuille ou non, des choses qu'il faut dire. Tout de suite, l'indicateur à consulter, puis la voiture pour la gare, voyager. Nous sommes de pauvres morts en mouvement. Se martyriser, se consoler, s'apaiser. Oui, c'est bien ça la mort. Vous avez entendu l'avis que je t'ai donné, tragédie en trois actes de Luigi Pirandello, version française de Benjamin Crémieux. Voici quelle était la distribution. Donna Anna, Madame Simone. Lucia Maubel, Monie Dalmès. Francesca Noretti, sa mère, Germaine Rouer. Donna Fiorina, Yolande Lafont. Elisabeth, Germaine Michel. Lida, Jacqueline Cartier. Les femmes du village, Jeanne Saint-Bonnet, Geneviève Morel et Denise Kearney. Don Giorgio Mei, le curé, Marcel André, Giovanni Robert Moore, Flavio Clementieri, celui qui voit, Roger Till. La musique était empruntée à Monteverdi. L'émission a été réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth.